C'est le podcast des Cover. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? À bouffer des propos médisants. Dans ma tête ça va comme un dimanche. Si je vide mon cœur c'est pour mieux t'expliquer. Maria, Maria, elle voudrait que je l'épouse, près du grand soleil, vivre comme des Andalouses. Mais avant ça faudrait peut-être expliquer à certains gars qu'il faut arrêter de traiter toutes les nanas de putana. Putana. Arrête de traiter mon gars toutes les nanas de putana. Je suis pas une putana. C'est quoi une putana? Arrête de traiter toutes les nanas de putain de putana. Non mais sérieux, c'est quoi ton problème là? J'ai triblé dans la vallée, les hommes et les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophane et ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, je veux plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. Je suis détestable, je suis l'autopentrine de la planète. Adieu bientôt. Adieu bientôt, adieu bientôt, adieu bientôt, yeah, adieu bientôt, ta ta la la papa, adieu bientôt. Je me regarde en face comme vérité. Est-ce que tout ça est mérité? Jamais en paix, pas dérippé. Ils traînent contre compte vérifié. La vie me l'a prise, ma vie m'attriste. T'as le pourcentage d'une batterie faible. Doigt dans la prise pour matrixer. Je m'embarque à tout qui se perd. Enfoiré, t'es pété, tu conscrave. Tu connais bien l'effet du bon sky. Si j'ai des jetons, je crache. Béné veut qu'on se capte, mon bébé veut qu'on se capte. Je suis à Paris si tu es fief. Ton jour volant, tu viens par ici si tu me cherches. À des années de tes plans, regarde ma verge, je vais pas parler, je t'ai lent. Je pourrais le cracher en toutes les langues, je suis devant braser en couvent. Je vais m'en aller en tournant en boucle dans tes oreilles comme Marley en tout blanc. Comme un grand Chester, en soi 28 jours plus tard à Manchester. J'ai cuisiné un remède à lancer, je teste. Comme un zombie, ton fils, t'en va manger ce texte. Le hasard ou la chance, joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé. Tes problèmes te rattrapent, 2-3 raclitres et sûrement dit que ta boulette. Le hasard ou la chance, joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé. Tes problèmes te rattrapent, 2-3 raclitres et sûrement dit que ta boulette. T'es pas la page, t'es pas la page. Je me t'égale à casse. T'es pas la page, je me dégale la casse, je me dégale la casse. T'es pas la page, t'es pas la page, je me dégale la casse, je me dégale la casse. T'es pas la page, t'es pas la page, je me dégale la casse, je me dégale la casse. Bien sûr, je fais bonne figure, faut pas que je m'effondre. De tes nouvelles et que je sais pas quoi répondre. Aujourd'hui t'as perdu cette lionne que t'as si bien apprivoisée. J'aimerais devenir une montagne pour ne pas avoir à te croiser. Bébé, laisse-moi fermer les yeux et avancer dans le noir. Parce que toutes les rues que je vois me rappellent un souvenir avec toi. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Que tu m'envoies un roman pour que je te laisse une 15e chance. T'as même brisé mon cauchemar dans lequel on emménage. Et on se prend la tête parce que je veux un chat et que t'en veux pas. Je me demande la réaction que j'aurai en te croisant. J'ai peur que l'amour s'en aille et que la haine dure 3 ans. J'aimerais arracher ton cœur, couper tes bras avec une hache. Mais s'il te plaît, pince-moi une dernière fois avant que je le fasse. Du mal à me dire que cette histoire est lointaine. Si tu savais comme je te déteste, tu saurais à quel point je t'aime. Quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki. Quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki. Wow. Thank you. I'm a fuck of my life. I'm a fuck of my life. We're gonna party all night. She don't care if I die. Yeah, right, yeah, right. Yeah, bet you run dry. Yeah, bet you run dry. But you know I don't mind. Yeah, right, yeah, right. Single fucking bomb me. You bet you know we ain't never gonna be together. I see. You bet I gotta see you when I'm feeling like a dream without me. Okay, you seem so good. I think the sky that I need. What you know about love? What you know about life? What you know about love, bitch? You ain't even my type. Yeah, right, yeah, right, yeah. You know I feel right. Yeah, you're living right now. She don't even pick side. Yeah, right, yeah, right. I overthink in my pride. I overthink in my brain, but I don't got to look nice. She just digging my eyes, digging my eyes, digging my fucking eyes. Yeah, right, yeah, right. Au perché, tu peux me chercher quelque part. Je respire, je reste enfermé. Viens, hiberne si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences à me plaire. Je te veux pour passer l'hiver. Tu réfléchis comme moi, souvent t'agis comme moi. Je t'ai vu parler, penser, aimer. Je t'ai vu rêver comme moi. Qu'est-ce que le ciel peut bien faire? Pour deux âmes solitaires. T'as tes propres codes, t'as ta propre mode. T'es tellement unique et ça c'est tout pour moi. Tu me conseilles des séries, tu me conseilles des films. Mais je veux plus de conseils, babe, je veux qu'on les mate ensemble. Mon Jacques te tarde sur WhatsApp. J'aime comment tu penses, j'aime tes références. Donc un de ces quatre, va falloir qu'on se gâte. Meuf, arrête de jacter, viens que je te bouffe la chatte. Je te tape les fesses, ça me fait une prod. Et quand tu gémis, babe, ça me fait un sang. Je guérirai comme jamais, ton corps me fascine. T'as les jambes qui tremblent, donc ça me fait un classique. Oh merde, la magie qui opère. On va quitter la terre, on va plier l'affaire. Putain, c'est qui ton père? Putain, c'est qui ton père? Très haut perché. À quoi bon dire des trucs joyeux si la joie ne m'inspire pas? Mes sons ne sont pas de la poudre aux yeux, non, je suis pas ce genre de meuf. Toucher les cœurs, c'est la mission. Je suis pas différente, je suis une petite conne. Je suis brisée comme toi, mais j'ai de l'espoir. Ah, et je vis pour cette raison. Je suis pas douée pour dire au revoir, mais je sais me faire des amis. Ah, y'a beaucoup de filles la nuit, mais dans mon cœur, je veux qu'une femme. Dans ma tête, y'a trop de facettes au fond qui me connaît. Je suis quelqu'un d'honnête qui peut être un connard. Parfois un peu givré, toujours imprévisible, mais au moins chez moi-même. Je peux plus me voir dans la glace. Pourquoi diable dans tes yeux mon mauvais reflet s'efface? J'erre tard la nuit comme un méchant vautour, mais même les monstres rêvent d'amour. Je peux plus me voir dans la glace. Pourquoi diable dans tes yeux mon mauvais reflet s'efface? J'erre tard la nuit comme un méchant vautour, mais même les monstres rêvent d'amour. Noir comme une nuit où la mif t'a zappé. Quand celle que t'attends toute ta vie passe à tec. Seule sur la terre, sans l'ami, y'a personne. Envie de se laver de tout, comment faire ça? Je vois les plus tristes s'en aller quand je chiale. Mon dernier sourire avant l'averse. Les mêmes problèmes qui nous éveillent, nous empêchent de dormir, nous éteignent. Assombrissant l'avenir, oui c'est clair. Je regarde la lune quand la journée s'en va. Pendant que la vie, elle vous héberge. je peux pas perdre ma magie, je lis ses lettres. Par ma fenêtre, je vois cette fille qui s'énerve. Même si ta valise est lourde, emporte-la. Trop de blabla, les gens ici sont les pros de la blague. Vaudront les sourires d'abord, mais ces putains d'égoïstes ne te demanderont jamais ce que les soucis t'apportent. Tout se joue dans l'arène, ouais, mais tu seras jamais la reine. Tout se joue dans l'arène, ouais, mais tu seras jamais la reine. Je me suis levée, c'est bon, j'ai vu ce que je pouvais faire de mes peines. J'ai perdu des ennemis, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des frères. Je me suis levée, c'est bon, j'ai vu ce que je pouvais faire de mes peines. J'ai perdu des ennemis, j'ai perdu des amis, ouais, j'ai perdu des frères. Ce qui est perdu s'achète, ce qui est perdu s'achète. Moi je me perds dans tes yeux, ouais, moi je me perds dans tes yeux. Ce qui est perdu s'achète, ce qui est perdu s'achète. Moi je me perds dans tes yeux. Nos âmes se brisent comme du cristal. Hey. Ce n'est qu'un amour de jeunesse. On était jeunes, on déconnait. Quand nos regards se sont croisés, je n'ai pas su le détourner. C'est son cœur que j'ai détourné. Des blessures que je ne peux soigner. On s'est aimé puis détesté. Mais ce n'est qu'un amour de jeunesse. Ah. On était deux, juste toi et moi. Une nuit pour la vie, c'est ce qu'on se disait sous le drap. Je fasse partie de la famille, ils t'ont éloigné de moi. Je me rappelle de la première fois, ton corps échauffé, le mien dans le froid. On contemplait les étoiles sur ton toit. Je me rappelle de la dernière fois, devinant ta silhouette dans le noir. Ton souvenir en mes pensées tous les soirs. On était deux et puis on s'entendait. Plus on s'attendait, plus on s'étendait. En attendant le feu ardent du jour, eux ils nous ont séparés. Pas pu barrer ce qu'ils avaient préparé. Ces enfoirés maintenant te font la cour. Ce n'est qu'un amour de jeunesse. On était jeunes, on déconnait. Quand nos regards se sont croisés, je n'ai pas su le détourner. C'est son cœur que j'ai détourné. Des blessures que je ne peux soigner. On s'est aimé puis détesté. Ce n'est qu'un amour de jeunesse. Ce n'est qu'un amour de jeunesse. On était jeunes, on déconnait. Quand nos regards se sont croisés, je n'ai pas su le détourner. C'est son cœur que j'ai détourné. Des blessures que je ne peux soigner. On s'est aimé puis détesté. Mais ce n'est qu'un amour de jeunesse. Yeah, yeah. Nos âmes se brisent comme du cristal. Hey. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. Tu m'as trouvée assise toute seule comme dans le vide. J'avais l'air triste ou net, et ça tombe bien, pas les épaules solides. Un peu de réconfort, tu me parles et tu m'apprends à quel point tu as souffert. Tu es une enfant de la guerre qui cache ses sentiments à des milliers de pieds sous terre. La cocaïna a pris sa famille. C'est une clandestina, ami, ami. La cocaïna a pris sa famille. C'est une clandestina, ami, ami. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. c'est le podcast des Covers.